Salut à tous et toutes, la tribu, bienvenue dans la 133e Vapeur Fix, chaque semaine à la même heure sur votre radio favorite et sur archive.org. Et oui, la tribu, c'est Spike et je débarque dans votre salon pour une nouvelle émission. En cette semaine de nouveautés, de plein de bonnes choses, du culte, tout ça, on commencera tout de suite avec Dance de X-Side, c'est une nouveauté, c'est sur l'album Transitory Feelings, sorti le 3 août 2018. On retrouve Naughty Girls, Soul Sucker et Destroyer, on les retrouve sur Facebook, YouTube, Bandcamp et toutes les plateformes numériques. On écoutera ensuite Under Your Pressure de Diva, c'est sur leur premier EP The Wide One, sorti le 29 septembre 2017. On retrouve Punk Is Dead, I Was Blind et Sorry Baby. On les retrouve sur Facebook, Bandcamp, YouTube et toutes les plateformes numériques. On écoutera ensuite Make It Last de T-Cob, c'est du groupe T-Cob, c'est un single sur Bandcamp. Ils sont de Montréal, on les trouve sur Facebook, YouTube et Bandcamp. On écoutera ensuite Take It To The Limit de Halloween, c'est sur l'album The Time Of The House, le 29 février 1996. On retrouve We Burn, Wake Up The Mountain et Kings Will Be Kings. Un classique du power metal. Et on finira ce bloc en live avec Planeta Escoria de Scapé. C'est aussi le titre de cet album sorti le 30 mai 2000. On retrouve Vergüenza, Alamirda et Etz.

Vampire Freak chaque semaine à la même heure sur votre radio favorite. La vie continue. Et notre planète, planète, escoria. Conocer a esta tierna humanidad es un juego cruel de un sistema trivial. El horror, el placer, la miseria, el poder, el rencor, el amor. ¡Mira a tu alrededor! Pueblos enteros condenados al hambre, niños obligados a la prostitución. Las guerras continúan devorando inocentes. Tendrás que convivir con la desesperación. Vas a conocer nuestra civilización, la presunción de igualdad con aires de libertad. Qué hipocresía moral, fruto del bienestar. Qué bonito es vivir si has nacido aquí. Fábricas de armas que abastecen su muerte, la droga, el gran negocio estando en la prohibición. Banderas que se hunden en puertas de Occidente, el sufrimiento humano les importa un poco. Estás en el planeta escoria, bienvenido al planeta escoria. Qué suerte hay que tener al nacer. Qué suerte hay que tener al nacer. Y ha llegado el día de volar las fronteras. Aquí estáis esperando para la insurrección. La sangre de tus hijos llena nuestra nevera. ¿Quién es el culpable de tu exterminación? Estás en el planeta escoria. Bienvenido al planeta escoria. Ay, ay, ay, ay, que no. Vous êtes toujours dans la 133e Vampire Freaks, merci Scapé. On vient de s'écouter Dance, le nouveau X-Site, Under Your Pressure de Diva, Make It Last de T-Cob, Take It to the Limit de Halloween, et on a fini ce bloc en live avec Planeta Escoria de Scapé. On continuera cette émission avec 1985 Ecstasy Drive de Nina Hagen, c'est sur l'album In Ecstasy, son troisième album, sorti le 10 janvier 1985. On retrouve Russian Reggae, Atomic Flash Deluxe et My Way. On écoutera ensuite Comptoir Chaos de, par les Ordures Ioniques. C'est un 45 tours split Ordures Ioniques et Comptoir Chaos. Et c'est sorti en 2016 sur Ronce Records. On retrouve Pyromane, Comptoir Chaos, Mon Amant Silencieux et Personne pour te soutenir. On les retrouve sur Facebook, Bandcamp, YouTube et toutes les plateformes. On continuera avec Tout ce fric de Oberkampf. C'est sur l'album PLC qui a été remasterisé en 2018. On retrouve Au Présent, Linda et une super reprise du Requiem pour un conte de Gainsbourg. On écoutera ensuite Mrs. Brown de Jacob Miller. C'est sur l'album Killer Miller, sorti en 1978. On retrouve Silver and Gold, Wanted et Sinners. C'est du son reggae culte. Et on finira ce bloc avec Wild World en live de Mr. Big. C'est sur l'album Bumphead, leur troisième album sorti le 25 septembre 1993. On retrouve Colorado Bulldog, Mr. Gone et Nothing But Love. Et bah, Wild World, c'est une reprise de Cat Stevens. Faites éloigner chaque semaine à la même heure sur votre radio favorite et aussi sur archive.org. Just remember that. Vous êtes toujours dans la 139e Vampire Flix et c'est Spike qui vous accompagne. On vient de s'écouter 1985 Ecstasy Drive de Nina Hagen. On a eu ensuite Comptoir Chaos des Ordures Ioniques. On a eu ensuite Tous ces frics de Oberkampf. On a eu ensuite Mrs. Brown de Jacob Miller. Et on a fini ce bloc en live avec le grand classique Wide World par Mr. Big. On continuera cette émission avec une nouveauté, Mind Palace. C'est sur le nouveau Gravity Fails. Enfin, c'est pas une nouveauté. C'est un album qui est de 2016, mais c'est aussi le titre de leur troisième album. Et on retrouve Your Ghost, Baby Jane et We Are Lies. C'est un groupe de rock atmosphérique qui sont du Puy-en-Velay. On les retrouve sur Facebook, Bandcamp, YouTube et j'espère bientôt sur toutes les plateformes numériques. On écoutera ensuite Madness de Mirat. C'est sur l'album Desert Call, leur deuxième album au Tunisien. Il est sorti le 25 janvier 2010. On retrouve Forever and a Day, Desert Call et Shockwave. On écoutera ensuite Moloko, Les Enfants Perdus. C'est sur l'album Après nous les mouches, sorti en 2016. On retrouve La Bière va couler à flot, United Oi et Après nous les mouches. On les retrouve sur Facebook, Bandcamp et YouTube. On écoutera ensuite une autre nouveauté, Innocent, le nouveau Nevermind de Car. C'est sur l'album EP2, sorti en 2018. On retrouve Sweet Love, Elastic et Ghost Crisis. Et on finira ce bloc en live avec Back to My Roots de Lucky Dube. C'est sur l'album Slave, sorti le 29 septembre 1989. On retrouve Rastaman, Think About the Children et I've Got You Babe. Really?

Vampire Freaks chaque semaine à la même heure sur votre radio favorite et aussi sur archive.org. Mes drogues, la tête dans le sac. Un grand coup de banjo. Ils dansent mille frères.

Vous êtes toujours dans la 133e Vampire Fix et c'est Spike qui débarque dans votre salon. On vient de s'écouter Mind Palace, le nouveau Gravity Falls, Madness de Mirat, Moloko des Enfants Perdus, on a eu ensuite Innocent de Nevermind de Car et on a fini avec Back to My Roots en live de Lucky Dube. On continuera cette émission avec une autre nouveauté, Gothic Babe Doll, c'est sur le, de Fahrenheit, c'est un album qui va apparaître bientôt. On les retrouve sur Facebook, YouTube. D'ailleurs, le clip de Gothic Babe Doll est visible sur YouTube. Et on les retrouve aussi sur Facebook. On écoutera ensuite une autre nouveauté, Résiste, le nouveau Kima. C'est aussi le titre de ce nouvel album sorti en septembre 2018. On retrouve Faire Face, Money. Et ça monte en pression. On les retrouve sur Facebook, Bandcamp, YouTube et toutes les plateformes numériques. On aura ensuite une autre nouveauté. Si tous les anarchistes de Octobre Noir, c'est ça, sur l'album Du bruit pour l'anarchie, sorti en 2018, on retrouve Ni patrie ni frontières, Par le feu et plus le temps d'attendre. On les retrouve sur Facebook, Bandcamp, YouTube et bientôt sur les plateformes numériques. On écoutera ensuite un autre classique du punk français, J'irai chier dans ton vomi de Métal Urbain. C'est aussi le titre de leur deuxième album sorti le 30 octobre 2006. À noter, il est produit par Djilo Biafra des Dead Kennedys. Et donc on retrouve Change de chaîne, Logotomie et Ici c'est la guerre, un classique du punk français. Et on finira ce bloc en live avec Pas de solution de Satan Jokers. C'est sur l'album 3 sorti en 1985. On retrouve Justice, Get It On et Commando Suicide, un classique du heavy français. réaliser gros et régler les dettes du passé. Y arriver d'en bas sans écraser les autres, tout donner sans état d'âme. Croire en tout ce qu'on te promet, offrir tout ce qu'on te réclame, tout ce qu'on ne démontra jamais, assez jamais. Croire ce qui compte passe par toutes sortes de dépendances. Quand on est infecté parce qu'il pulvérise dans nos consciences et pendant longtemps de mensonges s'est propagé, les médias pour le guider. Combien de temps encore pense-t-il pouvoir nous manipuler? J'aimerais élever la vibration que leur monde retourne au néant. Il ment tellement, putain, je crache pour conjurer les démons. Je te ferai massagir, mais c'est la vie qu'on assassine. Traqué dans la matrice comme un gratte-sac dans la machine. Mais comment? Vampire Freaks, émission radio où Spike débarque dans votre salon. Jusqu'à mettre au poste de fils pour des idoles. C'était ça la salade la rue ou la psychiatrie. C'était salade la rue ou la psychiatrie. Si tous les anarchistes du monde viennent se reprendre en main, pourquoi pas la tempête qui gronde sur de meilleurs lendemains. On a vécu l'enfer jusqu'à son paradis, constatant que la misère en parlait compuline. On a crié au loup en guise d'avertissement, quand sous leur déguisement ils étaient parmi nous. On a caché nos faces derrière des cagoules noires pour défier le pouvoir, forcer la lutte des clashs et puis gâcher nos chances de faire partie de la farce. Pour entrer dans la danse sur un tour de passe-passe, pour entrer dans la danse sur un tour de passe-passe. Si tous les anarchistes du monde bien se prendre la main, pour qu'en fin la tempête qui gronde sur de meilleurs lendemains. On est passé partout les stades de la douleur pour voir qu'au fond du trou y'a jamais le sauveur, et pouvoir affirmer que désormais plus rien de ce qui touche à l'humain peut nous être étranger. Même si la vie nous laisse des traces en de l'épile, des cicatrices comme des tatouages indéchiffrables, foudre, placard, nos putains de pilleurs infantiles, pour mettre enfin à jour de quoi on est capable. Pour mettre enfin à jour de quoi on est capable. Pour mettre enfin à jour de quoi on est capable. Si tous les anarchistes du monde bien se bouger le fion, pour qu'enfin le tonnerre qui gronde amène à la révolution. Thank you. Vous êtes toujours dans la 139e Vampire Fix et c'est Spike qui débarque dans votre salon. On vient de s'écouter Gothic Baby Doll, le nouveau Fahrenheit, Résiste, le nouveau Kima, Si tous les anarchistes du monde, le nouveau Octobre Noir, J'irai chier dans ton vomi, le métal urbain, et on a fini ce bloc avec Pas de solution de Satan Jokers. On continuera cette émission avec Mother Nature de Desmond Dekker. C'est sur le Best of Desmond Dekker, paru chez Trojan Records, sorti le 18 mars 2017. On retrouve Licking Stick, Bongo Cal, Pretty Africa, enfin bref, 40 titres. On écoutera ensuite une nouveauté, Hard Night, le nouveau Teacup Monster, c'est sur l'album Take It or Leave It, sorti le 19 mars 2018. On retrouve Take It, Lions et How Long. On les voit sur Facebook, Bandcamp, YouTube et toutes les plateformes numériques. On écoutera ensuite Life is a Blue Sky, le nouveau Ligi. C'est sur l'EP Supernova, sorti en 2017. On retrouve Gueule de Bois, Draw Up the Line et Supernova. On les retrouve sur Facebook, Bandcamp, YouTube et toutes les plateformes numériques. On écoutera ensuite My Religions de Grégory Zach. C'est Best of 40 titres de chez Trojan Records, sorti en 2017. On retrouve Mr. Cop, Storybook Children et Too Late, entre autres. C'est un gros best-of, vraiment excellent. Et on finira ce bloc en live avec Son of the Sun de Therion, c'est sur Live Gothic, sorti le 20 juillet 2008. On retrouve Blood of Kingu, Degial et The Rise of Sodom and Gomorrah. Sun and the moon above and the stars that shine each night. We've got the rain and the wind that blows and the birds, the flower and the bee. For Mother Nature, he'll guide us. from the jungle of the street. My feet are rhythming to the beat. A devil fire is surrounding me. And people fakely think they're free. A river of tears is Vampire Freaks, l'émission radio où Spike débarque dans votre salon. Vampire Freaks, la rage. Ce moment de partage avec vous, mes amis, est magique. Plein de grands classiques. Très bon son maison. Vampire Freaks. La da da da. La da da da da day. Man of temptation, you're not of my religion, y'all. So please don't make no wrong decision about this congregation, cause men without religion just can't be in a righteous man position. Men of brutality, show some humanity, yeah. Stop guessing us with misery. No chain bound us till we're not free. La da da da da day. La da da da da day, yeah. La da da da da day. La da da da da day. Men of temptation, you're not of my religion, y'all. So please don't make no wrong decision about this congregation, cause men without religion just can't be in a righteous man position. Men of brutality, yeah. Show some humanity. La da da da da da. La da da da da da. On vient d'écouter Mother Nature de Desmond Dekker, Hard Night, le nouveau Teacup Monster, Life in a Blue Sky de le nouveau Ligi, My Religion de Gregory Zach, et on a fini ce bloc en live avec Son of the Sun de Therion. Cette 133e Vapeur Freaks touche malheureusement à sa fin. Je vous remercie encore de l'avoir suivi. Laissez-moi vos messages et dédicaces sur la page Facebook de l'émission Vapeur Freaks, l'émission radio. Si vous êtes un groupe et que vous souhaitez être diffusé dans l'émission, bah, contactez sur la page Facebook de l'émission Vapeur Freaks, l'émission radio. Et on finira cette émission donc avec Sweet Home Alabama de Lynyrd Skynyrd. C'est sur leur premier album Pronounced Lynyrd Skynyrd, sorti en 1973. On retrouve Freebird, Tuesday Gone et Sweet Home Alabama du son culte. À la semaine prochaine, même heure, même endroit sur votre radio favorite. Et surtout, n'oubliez pas, Vapeur Freaks, c'est l'émission radio où Spike débarque dans votre salon. Salut à toutes et toutes, la tribu! One.